faire la tension pour descendre. Bon, on va essayer. Si vous prenez en photo, je vous aide à descendre tous les appareils. Oh cool, mais c'est elle qui prend les photos, hein.